crois plus du tout. Je tente quand même le tout pour le tout, au risque que tout soit bien perdu et que mon cœur soit à la rue. Pardonne-moi mes sauts d'humeur, mes maladresses, toutes mes crises, toutes les fois où dans mon malheur j'ai manqué de recul et d'analyse. Et si je passe pour un fou, c'est que je tiens bien trop à nous. Ne me dis pas qu'il est trop tard et donne une chance à notre histoire. Les gens qui savent, les gens qui disent, et tous ces oiseaux de malheur qui sur notre vie ont pu prendre prise. Toutes ces reines de la jalousie, tous ces rois de l'hypocrisie, ça semble tous comme des vautours et guettent la fin de notre amour. Te quiero, ti amo, mi amado. Besoin vivre ça pour dire, moi j'ai pas d'autre femme douille qui.